Traducción performativa de la poesía chinoise. Refolleto el libro de Marcela de Juan en español. Il y a beaucoup de poèmes de Lippo, donc je vais en lire deux. Je vais traduire performativement au fur et à mesure que je lis. Prends-les en vol vers l'Orient, un cicogne par-dessus de la mer, sans boussole, sans soin, sans fatigue. Les cimes mortelles me réclament avec leurs chants vibrants. Pour m'attendre avec patience, ils se accroupis sur des arbres de jade. Lippo. Oh, combien j'aime le mont Tong, il est ma joie. Je passerai sur lui 100 ans sans penser au retour. J'aimerais danser, agiter mes manches et d'une seule fois frôler toutes les coupes des pins. Lippo. Lo tanto que sin ti, yo.